106.9 Mauricie vous présente Que la Mauricie se lève avec Marc-André Pelletier. Marc-André Pelletier. Marc-André Pelletier. Marc-André Pelletier. Votre référence en information. Que la Mauricie se lève. Ai-je besoin de vous dire qu'il y en a un puis un autre des commentaires sur les réseaux sociaux du 106.9 Mauricie aujourd'hui? Également, on sort notre monde des vacances. Catherine Godreau va être avec nous autres aux alentours de 7h pour commenter le dossier. Et Robert Pilote aussi, qui a réussi à parler au maire Lévesque hier soir en toute fin de soirée pour essayer de confirmer la nouvelle. Il va être avec nous autres vers 7h10 ou sans préparation de Midi Plus, édition spéciale aujourd'hui. Le conseiller municipal Luc Tremblay a accepté de nous parler à 7h20. Pour revenir là-dessus, on va faire une tournée des réactions régionales, les différents élus. On va essayer de voir aussi dans les anciens, hein, je pense entre autres à Sylvie Tardif, qui l'a bien connu. Jean-François Bon en parlait, qui a fait quand même un mandat et une campagne électorale contre Yves Lévesque. Et d'autres conseillers aussi à qui on va essayer de parler. La difficulté présentement, c'est que les gens sont un peu frileux de dire « ben là, c'est pas annoncé officiellement, ça va être à 10h, je vais respecter ce processus-là ». Oui, évidemment, on vous demandera pas de jouer au devin. Ce qu'on va vous demander, c'est de parler de l'homme. Alors, on va essayer de vous renseigner là-dessus parce qu'on connaît tous le politicien, le gars qui est quand même assez fonceur au quotidien et tout ça. Mais on va essayer de décortiquer tout le reste. Et évidemment, à travers ça, on va glisser un peu de sport parce que la programmation régulière, disons, se poursuit quand même. Et il se passe pas mal de choses dans le milieu sportif quand même dans le temps des fêtes. Ne serait-ce que cette victoire, devrais-je dire, éclatante du Canada hier contre le Danemark. Avec un pointage digne d'une partie de football. Ah ouais, 2-0 pour l'équipe canadienne. Je vais y revenir tantôt dans les sports, mais juste vous dire que 14-0 contre le Danemark. Ça a beau être le Danemark. 14-0. À un moment donné, tu voyais les gardiens danois, là, juste. Bon, ben, tirer, là. Je veux dire. Je vais l'arrêter si ça fait que le temps se déroule plus vite. Sinon, je vais laisser passer. T'sais. Ils ont eu quand même 45 tirs du Canada contre 14 pour le Danemark également. Ce qui veut dire que le Canada a marqué un but à chaque 3 tirs. Quand même. C'est quand même un pas pire taux de réussite. À travers de ça, ben Maxime Comtois, le capitaine et joueur des Voltigeurs de Drummondville, a marqué 4 buts. Je vais y revenir dans quelques instants parce que, honnêtement, hier, fallait être un peu malhabile, façon de parler, pour ne pas se retrouver sur la feuille de pointage au final. Il y en a qui ont quand même réussi. Mais faut le faire. C'est presque l'exploit de ne pas avoir eu de points hier que d'en avoir eu plusieurs. Mais bref, voilà, on va y revenir dans quelques instants également avec les détails de la météo parce que vous le constaterez assez rapidement, si vous n'avez pas mis l'orteil dehors, c'est pas chaud encore ce matin. On est bien en bas du moins 20 degrés. Alors, les détails dans un instant, le temps que Marc-Antoine Nouniès nous livre les actualités. Cogeco Nouvelles. Exactement, Marc-André. Et ce qui retient l'attention ce matin, bien sûr, c'est cette démission du maire de Trois-Rivières, Yves Lévesque. Le 106.9 Mauricie a appris du principal intéressé qu'il mettra ici un terme à près de 2 décennies à la tête de la ville. Les membres du conseil municipal sont convoqués à 10h cet avant-midi pour une session extraordinaire à l'hôtel de ville. M. Lévesque, âgé de 61 ans, est en congé de maladie, on se rappelle, depuis le mois d'octobre dernier et devait revenir à son poste au début de l'année 2019. Élu conseiller municipal dans l'ancienne ville de Trois-Rivières-Ouest. En 1994, il avait été élu maire de la ville de Trois-Rivières en 2001 et en novembre 2017, il avait amorcé son 5e mandat. La pêche aux petits poissons des chenaux a débuté comme prévu hier matin. Près de 500 chalets de pêche seront aménagés d'ici vendredi. Steve Massicotte, président de l'Association des pourvoyeurs de la rivière Sainte-Anne, explique aux visiteurs qu'ils doivent d'abord s'inscrire par téléphone ou sur le web. Réserver leur chalet de pêche là, à l'Association des pourvoyeurs. Et ensuite de ça, les gens se présentent à Saint-Anne-de-la-Pérade chez leur pourvoyeur. Et ensuite de ça, on les reconduit à leur chalet de pêche là, qui est déjà chauffé, éclairé, poêle à bois, tout le kit. Donc, les gens vont pouvoir là, faire une belle partie de pêche, qui amènent leur patin pour patiner sur nos belles patinoires et vont pouvoir sortir aussi sur le site. La saison dernière, entre 95 000 et 100 000 pêcheurs et visiteurs avaient fréquenté le site de la fin décembre jusqu'à la mi-février. Une femme de 24 ans a été arrêtée à 2 reprises hier à Trois-Rivières. Les policiers de la ville de Trois-Rivières ont dû se déplacer à la résidence d'un homme âgé d'une 40aine d'années puisque sa femme était violente à son endroit. La femme de 24 ans a alors été arrêtée sous promesse de comparaître. Il lui était aussi interdit de contacter la victime. Selon Nouvelliste, toutefois, les policiers ont dû l'arrêter une seconde fois quelques heures plus tard car elle avait tenté de le contacter par téléphone à plusieurs reprises. Elle devait comparaître aujourd'hui, sera accusée de bris de conditions notamment. Tout fait que Ben Amish, ce touriste québécois retenu à Cuba depuis qu'il a été impliqué dans un accident nautique mortel en juillet 2017, a de nouveau été condamné à une peine de 4 ans de prison. Monsieur Ben Amish avait d'abord été reconnu coupable de négligence criminelle, mais ce verdict avait été annulé en juin par le plus haut tribunal cubain. L'ingénieur de 48 ans conduisait un bateau qui a dévié de sa course et est entré en collision avec une autre embarcation, causant ici la mort d'une mère de 3 enfants originaire de l'Ontario. Sa femme, Kaina Ben Saadi, exhorte le gouvernement canadien à intervenir et clame l'innocence de son mari. Tous les faits au dossier démontrent clairement l'innocence de mon mari et l'absence de responsabilité dans cet accident. Tous les éléments au dossier démontrent les différentes violations qu'ont commis les employés cubains au cours de l'excursion. Tous les témoins ont clairement donné des arguments forts et solides qui démontrent pourquoi l'accident a eu lieu et comment l'accident a eu lieu. Et ce n'est sûrement pas la responsabilité de mon mari. Situation assez spéciale, ça, d'ailleurs, quand t'es pris à l'autre bout du monde à devoir te défendre pour quelque chose qui est déjà pas clair, c'est rien pour aider. Alors, depuis plus d'un an, là, qui est là-bas. Alors, voilà, merci FM1069.ca, section nouvelles, pour savoir tout ce qui se passe chez vous. Du côté de la météo, c'est du soleil qui est prévu à terme aujourd'hui, parce qu'évidemment, c'est plus nuageux ce matin. C'est donc un maximum quand même à moins 11 degrés qui est prévu présentement. Trois-Rivières, c'est moins 21 degrés avec le refroidissement éolien. Et du côté de la Rive-Sud, c'est moins 22 et Shawinigan, moins 21 aussi. Donc, du soleil pour la grande partie de la journée. Ce soir, la nuit prochaine, c'est plus nuageux, maximum à moins 11 pour la nuit à venir. Pour ce qui est de demain, vendredi, de la neige qui est prévue, 5 à 10 cm avec un 2 degrés, imaginez. Entre aujourd'hui et demain, il y a 25 degrés de différence, il n'y en a pas de problème. Samedi aussi, de la neige, 5 à 10 cm encore une fois, avec un maximum de 1. Retour du soleil à temps plein dimanche, avec un moins 12 degrés cependant. Et les nuits vont être fraîches. Hein. Quand on regarde ça, là, la nuit de samedi, de vendredi à samedi, c'est moins 12. La nuit de samedi à dimanche, c'est moins 18. Puis après ça, dimanche, ben c'est moins 13, dimanche à lundi. C'est l'hiver. Oui, on est retombé dedans assez profondément. D'ailleurs, avez-vous passé un Noël assez joyeux? Oui, en famille. On était une douzaine, ça a bien été. Oui, ça fait du bien de se reposer un petit peu. Toi, Marc-André? Oui, ben moi, je fais beaucoup de route dans le temps des fêtes, bien souvent, parce que la famille, la belle famille est en Estrie, donc je me promène un brin, mais c'est toujours bien agréable, effectivement. Mathieu? Ouais, moi, ça a bien été aussi. Petite partie de famille une fois de temps en temps, on boit un peu. Je bois rarement, donc ça m'affecte plus que les autres. Bam! Ah ouais, Mathieu, plante. Oh! Oh! Merci. C'est, félicitations pour ce jeu de mots. C'est jamais vu. Jamais entendu. Non, sûrement pas, non. Hey, je remarque ça aujourd'hui. Petit fait intéressant. Marc-Antoine Nunez Pelletier, on me dit. Deuxième nom de famille, j'ai entendu ça. Marc-André Pelletier. Ouais. Mathieu Plante. MP. Oh là là, OK. C'est comme au lieu d'être l'équipe B, c'est l'équipe M. Pas pire, t'es rendu là, OK. Ouais. Bonheur de même, c'est ce qui me vient. Ben écoute, tant qu'à être dans les précisions, c'est pourquoi il s'appelle Nunez en onde, parce que sinon il y avait déjà un M-A-P, tu comprends, qui est moi. Ben alors, oui. Supériorité oblige, il est M-A-N, donc le man. Man, who's alors, the man? Voilà. Mm-hmm. C'est moi. Mais on laisse la priorité, bien sûr, aux personnes plus âgées là, de faire le choix de leur prénom. Bon. Sache que Mathieu est plus âgé que moi. Salut Mathieu. La vie privée. Une petite tournée des différents journaux ce matin, évidemment, dans le Nouvelliste, vous devinerez la une. Yves Lévesque qui démissionne. Donc, c'est en page 3. Le maire de Trois-Rivières qui va annoncer aujourd'hui qu'il quitte la politique municipale. Il y a également un Shawinigannais au sommet de Mercer. Louis Gagnon est président du groupe de consultants en ressources humaines pour le Canada et les États-Unis. On retrouve ça également en page 8. Et aussi, évidemment, les premiers pêcheurs arrivent à Saint-Anne-de-la-Pérade. On a parlé à Steve Mascotte le 24 dans la dernière émission locale avant celle-ci, si vous voulez. Et il nous disait que ce sera pas évident pour le 26 et tout ça. Finalement, le temps froid a fait que ça a aidé un brin, mais quand même, il reste encore passablement de travail de ce côté-là. Mais c'est ce qu'on retrouve dans le Nouvelliste de ce matin. Dans le Journal de Montréal, à la rescousse de nos usines venues des quatre coins du monde pour combler des postes vacants. C'est ce qu'on retrouve, donc, des portraits d'immigrants qui viennent travailler ici en pages 6 et 7. Donc, dans le Journal de Montréal, bouchon monstre pour le boxing Boxing Day également. C'est en page 3. Je ne sais pas si tu l'as fait le Boxing Day, Mathieu, mais moi, c'est le genre d'affaire dont je me passe volontairement depuis de nombreuses années. J'aime bien regarder ce qu'il y a dans le Boxing Day, mais c'est de passer à l'action que je ne suis pas capable de faire. On dirait que je me dis, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'acheter ça maintenant ou je peux attendre à plus tard, donc j'attends plus tard. Je suis le genre de gars qui remet beaucoup de choses à plus tard. Ouais, mais regarde, c'est correct. Puis tu sais, quand je regarde toutes les foules, je suis pas quelqu'un qui a de la misère avec les foules, mais je vais te dire une affaire, que quand tu es dans un rayon pour un article banal, disons-le comme ça, puis que tu te fais un peu bousculer parce qu'il y a quelqu'un qui le veut absolument à ta place. C'est déjà serré d'aller ranger de centre d'achat. Pas besoin de faire plus que ça. Surtout les grandes surfaces. Mm-hmm. J'ai l'impression qu'il y a comme une espèce de filtre qui n'existe plus dans les grandes surfaces, particulièrement. Peut-être que c'est moi qui fais juste un préjugé. Là. J'ai entendu grande surface. Ça sonnait bien. Ouais, c'est vrai. C'est une vraie farce. Rendu là, effectivement, c'en est une, à certains égards. Quand il est possible de magasiner en ligne aussi aujourd'hui, je me dis, à moins que tu veuilles vraiment l'avoir pour le jour même, là, sinon, évite-toi une coupe de tracas. En tout cas, moi, je suis zéro patient. Puis c'est même pas nécessairement des fois en lien avec la circulation elle-même dans le magasin, c'est le parking, le stationnement. Ça me dérange pas de stationner à l'autre bout. Ça, je suis pas le genre de personne qui attend. Tu sais, t'en vois des fois qui attendent que l'autre sorte, puis là, il bloque à peu près tout le monde. Puis là, t'es là, hey, sérieux, va te parquer plus deux stationnements plus loin, puis ça va être correct. Je suis pas ce genre-là, sauf qu'il y a tellement de monde qui sort de partout, que ce soit des voitures, des enfants, des adultes aussi qui sont pas bien mieux des fois, que ça devient comme stressant. Là, mais... J'étais bien content quand même, je suis allé dans un magasin de jouets lundi, c'était ça le 24 décembre, c'était pas si plein que ça. Non? J'ai même profité du price match avec un site internet en ligne, ça vaut la peine. Faites attention, quand vous êtes un consommateur, soyez averti du fait que vous pouvez faire ça, l'égalisation des prix dans des magasins certainement. Ah oui, t'as pris un prix, moi ça dit mal un peu, mais t'as utilisé, disons, un prix en ligne, tu t'es pointé avec, mettons, la facture ou le prix ou l'imprimé, puis t'es arrivé puis t'as montré ça au magasin en question puis ils ont égalé le prix. J'ai économisé plus de 40% sur un article. Ah quand même. Ça vaut vraiment la peine. Faites attention. Allez magasiner même dans les rangées là, pendant qu'il y a du monde autour de vous. Là. Collez-vous sur la rangée puis allez sur Internet, ça vaut la peine pour vous. OK, c'est bon. C'est un bon truc à mémoriser, effectivement. Et pour compléter la tournée dans le Journal de Montréal ce matin, il y a aussi le bilan politique 2018 de Joseph Facal. C'est en page 8, la chronique de fin d'année de Joseph Facal. Dans la presse plus ce matin, de plus en plus de vétérans de l'armée se retrouvent à la rue. Daniel Lalongé n'a pas que 2 ans dans l'armée, mais son retour à la vie civile a été très difficile. Il est tombé dans le cycle de la dépression et tout ça, l'expérience d'après-guerre qui a mal tourné pour lui. Et maintenant, il est un sans-abri dans le coin de Montréal. C'est un dossier, quand même, un article en fait, assez touchant quand tu regardes ça. Et seulement 2 ans dans l'armée, puis je dis seulement, je n'ai pas été 5 secondes moi dans l'armée, sauf que il y en a qui passent leur vie là-dedans, et lui, 2 ans, ça a été suffisant, disons, pour, je vais le dire comme ça, mais l'endommager de cette façon-là, là, puis j'aime pas nécessairement le terme, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Il est brisé mentalement ou émotionnellement. Non, exactement, exactement. Donc, c'est très touchant comme histoire. Il y a aussi l'Indonésie qui relève le niveau d'alerte du volcan responsable du tsunami, imaginé. Déjà que l'éruption de ce volcan-là avait fait en sorte de créer le tsunami qui a coûté la vie, finalement, à plus de 400 personnes puis encore beaucoup de disparus. Bien là, on relève le niveau d'alerte. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on va égoutter une deuxième fois du côté de l'Indonésie? Pas très rassurant. Non, effectivement, quand la nature se déchaîne, il ne reste pas grand-chose à faire. Et en politique canadienne, les débats du Sénat en direct à la télé dès février, alors que certains doutent encore de son utilité après plus de 150 ans, l'utilité du Sénat, évidemment. Et non pas de la télé. Hein. Non, c'est ça. Ça va être donc diffusé à la télé. Et j'ai bien hâte de voir. J'ai l'impression qu'on va s'amuser une fois ou deux à regarder ça puis à rire des sujets. Ah, je pense qu'il va y avoir des bons moments là-dedans. Il y a quelqu'un qui va se mettre là-dessus à temps plein pour chercher des clips, des extraits. C'est ça. D'excellents mauvais moments, j'aime le dire. Et dans le devoir, pour compléter le tour d'horizon des quotidiens ce matin, des services de garde à 2 vitesses dans les écoles, les sorties lors de journées pédagogiques coûtent cher, et des milliers d'élèves défavorisés aussi qui sont en quelque sorte pris en charge ou dont les sorties sont prises en charge par l'établissement scolaire. Et c'est très bien comme ça. Ça se voit à plusieurs endroits, notamment à l'école de Pointe-du-Lac, là, où je suis un peu plus impliqué. C'est pour ça que je vous en parle, là, mais tu vois ça dans des situations comme ça, là, des familles qui ont moins de moyens et on charge peut-être un petit peu plus cher aux autres enfants pour reprendre par exemple, le dollar ou deux des autres enfants, puis le redistribuer sur un enfant X là, qui n'aurait pas les moyens. Alors, je trouve que c'est un très bon moyen, mais ça coûte, dis-je, très cher quand même dans les services de garde particulièrement. Il y a des examens médicaux pour les enfants migrants aux États-Unis. Washington promet de nouvelles mesures après la mort d'un deuxième enfant. On l'a vu dans les dernières heures avec le satané mur et l'évaluation de santé, si on veut, là, qui était en cours pour un enfant fraîchement immigrés. Et c'est le genre de situation qui s'est produit déjà deux fois de trop. Et on a beau dire, il y a certains gens qui sont d'accord à dire, ben, Trump, il fait bien de mettre un mur, ils n'ont pas d'affaires à traverser illégalement, tout ça. Dans ce cas-ci, là, il s'agit quand même d'enfants qui meurent. Et je comprends, là, je dirais, à la limite, là, vous faites en désaccord avec le fait qu'ils devraient rentrer comme tout le monde par la porte normale. Mais là, ça commence à m'achaler. Ça commence à m'achaler royalement. Et il y a le double jeu de Kevin Spacey. La sortie de l'acteur brouille la frontière entre réalité et fiction. C'est dans Le Devoir ce matin. C'est quand même assez curieux. Si vous avez suivi notamment House of Cards, dont la plus récente série, la plus récente saison, devrais-je dire, est en vigueur là, sur Netflix. Il ne l'implique pas. Il ne l'implique pas, effectivement. On a d'ailleurs dû tricoter fort, je pense, pour trouver un scénario alternatif. Parce que il y a une vidéo qui a été publié par Kevin Spacey où, entre guillemets, il s'explique. Okay. Ça a été vu plus de 7 millions de fois sur YouTube depuis lundi et on la qualifie d'ambiguë, d'étrange, de bizarre, de gênante et de choquante. L'acteur suscite évidemment les réactions un peu de perplexité un peu partout parce que c'est rare qu'on voit ça quand même, quelqu'un qui est accusé dans la foulée du MeToo, tout ça, qui prend le bâton du pèlerin, qui va à l'écran, entre guillemets, encore une fois, et qui s'explique, sauf que là... il pourrait se nuire encore plus, finalement. Ben, c'est, mettons que jusqu'à présent, quand il s'explique, là, les raisons qu'il donne et tout ça, c'est assez spécial parce que Kevin Spacey voulait s'assurer que tout resterait confondant et flou tant dans les intentions que dans le résultat. Donc, s'excuse sans s'excuser. Et je vous le dis, allez visionner cette vidéo-là. Moi, c'est un acteur que j'affectionnais particulièrement. Et cette vidéo-là me trouble. Autant, tu te dis, ben, coudonc, il n'est pas connecté avec la réalité. Il manque quelque chose là-dedans. Que tu as l'impression que, tu sais, c'est quelqu'un qui explique l'inexplicable. Ouais. Tu sais, qui justifie l'inexplicable, et c'est vraiment, vraiment spécial. Et à la limite, pour ceux qui ont vu House of Cards, son personnage de Frank Underwood est un moyen fêlé là, aussi. Là. Et par moment, dans cette vidéo-là, honnêtement, j'aurais de la misère à faire la différence entre les deux. C'est assez spécial. Je vous le dis, là, allez la visionner. Ça vaut la peine, en tout cas. Mais ça se peut quand même que, je veux dire, que les accusations soient vraies ou fausses, que ça l'ait affecté d'avoir été comme ça harcelé par les médias pendant un bout de temps. Ça se peut. Puis, tu sais, moi, je le condamne pas. Je suis pas là. Je dis juste que la vidéo est vraiment, vraiment très particulière. Puis, à la limite, tu sais, des fois, quand il arrive des événements comme ça, on dit, ben, la personne devrait sortir, s'expliquer, ce serait réglé. Avec ça, je suis plus sûr, honnêtement, parce que t'as aucune chance de te rattraper. Soit tu fais une sortie parfaite en tout point dans laquelle tu commences en t'excusant, ou tu produis une vidéo comme ça qui est peut-être remplie de bonnes intentions. Sûrement de son propre chef, là. C'est pas son agent ou quelque chose comme ça qui a... Peut-être qui a bien, ça. Effectivement. Et là, ça devient plus gênant que d'autres choses parce que c'est mal justifié. De toute façon, les gestes sont injustifiables eux-mêmes, là, pour les gestes pour lesquels il est soupçonné. Mais c'est ça. Ça donne quelque chose d'assez spécial au total, au final. 6h25, on va s'arrêter maintenant pour une première pause. Au retour, Mathieu va nous livrer une chronique aujourd'hui en remplacement de Raphaël. D'habitude, on vous présente Raphaël libre. Faudrait que ça reste Raphaël libre, finalement. Parce que je suis qui, moi, sinon? Ben, la Raphaël est libre dans les faits parce qu'il n'est pas là dans l'émission du matin aujourd'hui. Tout ça dans une seconde au 106.9 Mauricie.